qu'en général, on préfère penser à ses proches, à ses enfants, à ses petits-enfants, à son conjoint, avant de penser à un conseiller en gestion privée. C'est normal. Mais si l'on savait qu'un conseiller en gestion privée est la personne capable de trouver les meilleures solutions pour vous aider à léguer un capital, organiser la transmission de la maison de famille ou la reprise de votre entreprise, on comprendrait très bien que penser à un conseiller en gestion privée, c'est d'abord penser à ses proches. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Ce n'est pas une plongée au cœur de l'histoire que nous propose Franck Ferrand aujourd'hui, mais une plongée au cœur de la préhistoire. Bonjour Franck. Bonjour Olivia, bonjour à tous. En effet, nous allons faire un immense saut en arrière cet après-midi. Plusieurs dizaines de milliers d'années, rendez-vous compte, nous allons à la rencontre de l'homme de Néandertal, sur lequel on a raconté à peu près tout et n'importe quoi. Vous allez voir qu'en fait, ce personnage, cet homme de Néandertal, était beaucoup plus fréquentable qu'il n'en a l'air. Et pour en parler, j'ai convié à nous rejoindre la grande spécialiste du sujet, Marilène Patou-Matisse. Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de notre auditeur, Franck, qui nous l'a envoyé sur la page Facebook de l'émission et qui aimerait connaître l'origine de l'expression « ça tombe comme à gravelotte ». Eh bien peut-être que c'était le cas déjà à la préhistoire. Alors d'où vient cette expression historique? Je vous raconterai ça tout à l'heure. Pour le moment, monsieur de Néandertal nous attend, madame aussi. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le joli roman que co-signent Pascal Leroy et Marilène Patou-Matisse chez Nil Éditions s'intitule, non sans humour, Madame de Néandertal, journal intime. Les auteurs y donnent la parole à une néandertalienne, figurez-vous, j'ai envie de dire à une néandertalienne moyenne, appelée La Grande, qui vit au milieu de son petit groupe, au sein de sa caverne, à l'époque, pas très facile à dater, où ses congénères, pour la première fois, ont été confrontés à l'homme tel que nous le connaissons, à Sapiens Sapiens, disons. Et je dis ça sous bénéfice d'inventaire, que ça devait être aux alentours de 30 000 avant notre ère. L'idée, évidemment, est piquante, elle est amusante, c'est le prétexte à une cascade d'anachronismes et d'effets de miroir, mais c'est aussi un excellent biais pédagogique pour nous faire mieux connaître, mieux comprendre le quotidien de notre très lointain cousin. Néandertal, d'abord. Pourquoi ce nom? Eh bien, parce que cette espèce d'hominidé a été découverte pour la première fois dans une grotte de la vallée de Neander, en Allemagne. La vallée de Neander, ça se dit Néandertal, tout simplement. Donc, on a appelé ce type d'homme, homme de Néandertal. À l'époque, on pensait que Néandertal avait vécu au paléolithique moyen, donc environ entre 300 000 et 40 000, et qu'il était antérieur à l'homme moderne, qu'il était antérieur à Cro-Magnon. Voici ce qu'expliquait quelques années après la fameuse découverte de 1856 le géologue britannique King. Le crâne de Néandertal, dit-il, présente une faible ressemblance avec celui de l'homme. Il est plus proche de celui d'un chimpanzé et considérant que, comme nous le devons, que les singes sont incapables de réflexions morales et religieuses, il semble qu'il n'y ait pas de raison de supposer qu'il en fût autrement pour le fossile. Ça, c'est donc ce qu'on pensait. Sauf que, plus récemment, et notamment en 1979, on a fait la découverte du fameux fossile de Saint-Césaire en Charente-Maritime, et que ses restes, ce squelette, lui, est incontestablement datable du paléolithique supérieur, la période qui s'étend de moins 35 000 à moins 10 000. Ce qui veut donc dire que Néandertal a vécu beaucoup plus longtemps qu'on ne pensait. Néandertal, aujourd'hui, est considéré par une très grande majorité de scientifiques comme le représentant d'une espèce distincte. Il n'est pas, si vous voulez, simplement le père de l'homme moderne, il en est plutôt un cousin qui aurait cohabité avec lui. On parle d'Homo Néandertalensis. Alors, Il se trouve que cet homme de Néandertal, il va vivre pendant très longtemps, pendant 300 000 ans. Et puis, il va peu à peu, on va voir son aire géographique de vie et d'expansion, on va voir cette aire se restreindre, basculer peu à peu vers le sud-ouest de l'Europe, et puis, là encore, je dis bien peu à peu, disparaître. Quand je dis peu à peu, c'est très important. Voilà ce que nous dit Bruno Morey quant à la période de disparition de Néandertal. Deux chiffres peuvent être avancés, dit-il, quant à la durée de cette disparition. Entre 10 000 et 5 000 ans, suivant qu'on considère les dates des niveaux supposés du paléolithique supérieur ou les plus vieux fossiles modernes européens. Dans les deux cas, une durée importante relativement à l'évolution biologique d'une population ou au changement culturel qui caractérise le paléolithique supérieur. La disparition de Néandertal, nous dit-il, n'a donc pas été brusque. C'est même le moins qu'on puisse dire. Vous imaginez s'il a fallu 10 000 ans à cet homme de Néandertal pour peu à peu se diluer de cette manière, ça n'est pas du tout une césure brutale comme on aurait tendance à nous le laisser parfois entendre. Il s'agit bien d'une progressive dilution géographique, ça c'est incontestable, et peut-être génétique, ça nous allons y venir tout à l'heure. Alors, je vous propose peut-être de revenir rapidement sur cette espèce d'échelle qu'on a dans les classes d'école élémentaire, vous savez, qui nous permet de revenir sur toute l'histoire des premiers hominidés. Les tout premiers, les plus anciens fragments de crâne qu'on ait, ils viennent du Tchad, c'est-à-dire d'une découverte récente, du tournant du 21e siècle, et remonte, c'est Toumaï, qui remonte à 7 millions d'années. On va avoir dans la période de 3 à 4 millions d'années, les australopithèques, qui pendant très longtemps ont été considérés comme les plus vieux hominidés, ce sont déjà des hominidés qui utilisent des outils, des pierres. Attention, ce ne sont pas encore des pierres taillées. Rappelez-vous évidemment la découverte en 1974 du célèbre squelette de Lucie, cher à Yves Coppens. En 1995, on découvrira également Abel au nord du lac Tchad. Ensuite, on arrive dans l'homme alors nettement plus mieux outillé, si je puis dire, c'est Homo habilis qui vit en Afrique, qui est très proche de l'Australopithèque, qui marche sur ses pattes arrière, qui est un bipède, qui possède déjà un langage articulé assez rudimentaire, qui est omnivore et qui lui va fabriquer des outils. Des outils encore simples. Les premiers outils taillés, ils datent environ de 1 800 000 ans avant notre ère. Alors je vous passe les découvertes relativement récentes, là encore, de Homo georgicus en 1999, donc l'homme de Géorgie, si vous voulez. Homo ergaster, qui a été découvert l'année suivante, en 2000. Lui est originaire d'Afrique. Avec ses jambes longues, cette stature droite, il est, semble-t-il, cet Homo ergaster, qui est l'Homo erectus d'Afrique d'une certaine manière, il est le premier à consommer de la viande. Et puis arrive alors dans une période nettement plus récente, il faut avoir à l'esprit l'immensité des périodes dont je vous parle, de 700 000 à 300 000 ans, c'est Homo erectus, le premier à avoir domestiqué le feu, ce qui lui permet de se réchauffer, de cuire ses aliments, ce qui permet d'éloigner les prédateurs, ce qui permet surtout, ne l'oublions pas, d'améliorer les outils bien entendu. Lui cueille des fruits et des racines, il chasse. On connaît évidemment l'homme de Totavel, le premier homme de France, selon Henri de Lumley. Il est antérieur, celui-ci, à notre homme de Néandertal, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, et dont les périodes, les limites, en gros, encore une fois, avec toutes les précautions d'usage, sont moins 300 000, moins 30 000. C'était Philippe Sard sur Europe 1, la bande originale du film La guerre du feu, réalisé par Jean Jacquano. Et nous retrouvons tout de suite Franck Ferrand qui nous parle de l'homme de Néandertal. Notre invitée, Marilène Patoumatis, auteure de Néandertal, une autre humanité, écrit dans cet ouvrage « Premier homme fossile reconnu, premier être humain différent de l'homme actuel ». Néandertal joua un rôle fondamental dans l'établissement de l'ancienneté de l'homme et de son évolution. Néanmoins, durant près d'un siècle, les hypothèses émises à son encontre ont reflété les préjugés du moment plutôt qu'elles n'ont fait progresser la science. Et oui, car on disait, on considérait Néandertal comme un être grossier, bestial, violent, une espèce de prédateur d'une certaine manière. Bruno Morey nous dit « Néandertal est un homme moderne dans ses comportements, un homme certainement innovant, mais par sa biologie, il n'est certes pas un homme anatomiquement moderne. » Voilà, c'est là d'ailleurs que se trouve précisément la subtilité. On va y revenir évidemment dans la deuxième partie de cette émission. La morphologie du néandertalien atteint son plein développement il y a environ 120 000 ans, c'est-à-dire on est là à la fin de l'avant-dernière glaciation. On a affaire à un être tout à fait robuste, dont le squelette est imposant, dont la musculature devait être puissante. Les hommes pèsent au moins 80 kilos, je dis bien au moins, les femmes au moins 70 kilos. Néandertal est relativement petit par rapport à ses prédécesseurs. Il fait la taille, oh, il fait 1m65, 1m63 pour les femmes, donc la taille qui était celle d'un homme de la première moitié du XXe siècle finalement. Son crâne, alors, a une forme très particulière, un gros crâne assez ovale, allongé d'avant en arrière, un peu aplati, avec la voûte crânienne assez basse, ce qui fait dire qu'il avait un peu le front bas, n'est-ce pas? On parle dans le roman dont je vous parlais, on parle carrément de visière, n'est-ce pas? Avec ses arcades sourcilières extrêmement protubérantes. Il a été considéré longtemps, cet homme de Néandertal, comme, je cite Marilène Patoumatis, un être aberrant ou pathologique. C'est vrai que ce visage volumineux, large haut, ses pommettes saillantes, ce front bas, ses grosses arcades sourcilières, ses dents volumineuses, tout ça, évidemment, ne plaide pas en faveur de Néandertal par rapport à nos critères et à nos préjugés, évidemment, de Sapiens Sapiens. Les Néandertals étaient peu velus, ils avaient la peau assez claire, ce qui fait l'objet de pas mal de plaisanteries, évidemment, dans le roman. Et selon une étude dirigée par Charles Lalueza Fox de l'université de Barcelone, il semblerait que certains spécimens, certains individus, aient été roux. Bon, pourquoi pas? La sexualité était différente évidemment de ce qu'on trouve chez Homo sapiens sapiens, et la puberté notamment était atteinte beaucoup plus rapidement que ce qu'on va voir chez Cro-Magnon, chez les hommes modernes. Alors, comment vivait cet homme de Néandertal? C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est l'objet de l'essentiel du roman de cette Madame de Néandertal, journal intime. D'abord, ces hommes de Néandertal sont des chasseurs. Ils chassent le gros gibier, le bison, l'ours, le mammouth, le renne, bien entendu. Néandertal a tendance à piéger ses proies dans des cul-de-sac, vous savez, dans des goulots d'étranglement, dans des marais aussi. Les femmes, semble-t-il, chassent plutôt les petits animaux. L'homme de Néandertal est également un cueilleur, si je puis dire. Il ramasse des fruits, des végétaux. Et il y a toute une organisation sociale assez particulière et très intéressante. Néandertal est un nomade, ça c'est incontestable, il va parcourir de longues distances avec des campements temporaires, il peut vivre sous des huttes, on va revenir là-dessus bien entendu, même s'il lui arrive essentiellement de se mettre à l'abri dans des grottes, dans des abris rocheux, on pense évidemment à la grotte de Cantabrie en Espagne, hein, avec des espèces de paillasses vers le fond de la grotte, avec un feu à l'entrée. C'est donc un être qui est mi-sédentaire, mi-nomade d'une certaine manière. Alors ses habitudes alimentaires sont assez particulières, on va en parler tout à l'heure parce que la grande question qui se pose et celle qui intéresse tout le monde évidemment, c'est la question du cannibalisme. Ce qui m'intéresse moi pour le moment, c'est plutôt ce que faisait Néandertal en termes d'outils. Il y avait un artisanat d'une certaine manière. Je cite Marilène Patoumatis. Toutes les études sur l'artisanat de Néandertal révèlent qu'il a inventé la technique de débitage levallois. Levallois, pour les carrières de Levallois-Perret, il s'agit d'un procédé qui consiste à extraire d'un bloc de pierre des éclats utiles qu'on appelle les éclats levallois qui ensuite serviront pour développer, pour faire des outils. Mais aussi, nous dit-elle, la découpe de la pierre en laminaire, en discoïde, en biface. Il façonnait les pièces, il les aiguisait, il les formatait, il les fixait sur des manches en bois, il fabriquait des racloirs, des couteaux, des scies, des lances avec des pointes effilées. Ces techniques évoluent au gré des groupes géographiques, ce qui nous éclaire sur le fait qu'il existait un véritable artisanat avec des carrières, des lieux de débitage, de transport, mais aussi un apprentissage, des savoir-faire, un véritable commerce des pierres, voilà qui va relativement loin. On va y revenir là-dessus aussi, bien entendu. Alors qu'étaient ces outils, donc de grands racloirs, des lames aiguisées, des burins, des pointes, et à quoi servaient-ils ces outils? Bien, à racler les peaux fraîches, à couper les végétaux. Il y a un véritable savoir-faire qui se transmet, et il y a, en quelque sorte, un apprentissage. Marie-Hélène Patoumatis parle d'apprendre à apprendre à propos de Néandertal. Ça, c'est très intéressant et ça nous le rend tellement plus proche d'un seul coup. Y a-t-il un art? Eh bien, les derniers Néandertaliens fabriquaient incontestablement des parures d'os incisés ou de dents striées qui étaient donc percées pour être suspendues. L'homme de Néandertal peint également sur la peau. Il utilise un pigment noir pour des décorations corporelles et d'autres pigments colorés, d'autres teintes, si je puis dire, ou teintures, sont utilisés pour les objets. Évidemment, Néandertal, vous l'avez compris, maîtrise le feu. Pour l'allumer, il utilise des pierres, des tiges de bois, de la mousse, des écorces. Et pour l'entretenir, il se sert de tourbes de lignite, de bois, de tout ce qui peut évidemment servir. Et puis on entoure les foyers de galets, de pierres, ce qui permet de réaliser une véritable cuisine, si je puis dire, avec une cuisson à la braise, dans les cendres, par enrobage d'argile, au four, à l'étouffée. La viande peut aussi être fumée, ce qui permet de la conserver, bien entendu. Ça nous amène, ça, à toutes sortes de considérations sur l'hygiène et sur la santé, en quelque sorte. On va revenir sur tous ces aspects tout à l'heure, en compagnie de notre invité. Franck Ferrand, 14h-15h, sur Europe 1. Et nous vous retrouvons, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur l'homme de Néandertal. Évidemment, la grande question qui se pose, c'est celle de la confrontation de Néandertal avec Homo sapiens, qui lui apparaît donc plus tard, aux alentours de 200 000. Il y a une période pendant laquelle il y a, à l'évidence, coexistence des deux espèces, en quelque sorte. Les dernières traces qu'on ait de Néandertal, c'est dans la grotte de Gorham, à Gibraltar, et ses restes sont datés de 24 000 avant notre ère. Donc, il y a une longue période qui va faire environ 10 000 ans, où il y a coexistence, encore une fois, de Néandertal et de cohabitation, si je puis dire, de Néandertal et d'Homo sapiens sur les mêmes terres. Voici ce qu'écrit Marie-Hélène Patoumatis. La première rencontre entre Néandertal et l'ancêtre de l'homme moderne a eu lieu au Proche-Orient il y a peut-être 70 000 ans. En effet, lorsque les Néandertaliens arrivent en Palestine, des hommes de type moderne, les proto-cro-magnons, y vivent déjà. La seconde rencontre plus récente s'est faite en Europe, et cette fois ce sont les hommes modernes qui arrivent sur ce continent occupé jusqu'alors uniquement par Néandertal. Alors il y a toutes sortes de différences entre Néandertal et cro-magnon, entre Néandertal et Homo sapiens. On va y venir d'ailleurs sur ces différences, des différences anatomiques évidentes, des différences comportementales également qui sont très grandes, avec des modes de vie bien distincts, bien différents. Ce sur quoi j'aimerais insister quelques instants, c'est la question de la disparition. Quelle est la cause de la disparition de Néandertal? Encore une fois, vous avez bien compris qu'il a fallu 10 000 ans au bas mot pour que Néandertal disparaisse. C'est donc plutôt une lente érosion, on a l'impression d'un amoindrissement en quelque sorte, c'est comme le feu qui peu à peu s'éteint, ça n'est pas une disparition brutale comme on dirait des dinosaures par exemple, quelques dizaines de millions d'années plus tôt. Alors, parmi les hypothèses de la disparition, il y en a eu toutes sortes qui ont été émises, bien sûr. On a parlé de génocide, figurez-vous, en transposant entre nous un peu vite nos habitudes de violence sur des hommes qui probablement n'avaient pas ce genre de comportement. Ça, on va y venir, c'est très intéressant et c'est un des sujets de spécialité justement de mon invité d'aujourd'hui, de Marie-Hélène Patoumatis. On a parlé également de la possibilité d'une maladie. Ça, c'est né notamment d'une étude de 1995. On a avancé l'idée qu'à la rencontre des Homo sapiens, le système immunitaire des Néandertaliens, qui n'était pas armé pour lutter contre un certain nombre d'infections contagieuses spécifiques, avait été défaillant et que donc, en quelque sorte, un petit peu comme les Européens auraient contaminé les Amérindiens au moment des grandes découvertes au XVIe siècle, eh bien, Homo sapiens aurait contaminé Néandertal. On va voir ce qu'il faut penser de ça. Certains ont dit, mais non, c'est le climat. Ce sont les changements climatiques qui ont eu raison de Néandertal, en oubliant quand même que l'homme de Néandertal, sur les 300 000 ans de son existence, a vécu sous des climats très différents et qu'il s'y est toujours fort bien adapté. On a parlé d'une concurrence directe entre les espèces. Et ça, disons-le clairement, c'est l'objet même de l'ouvrage dont je vous parlais, de ce roman tout à fait amusant de ce Madame de Néandertal. Concurrence pour le gibier, concurrence pour l'habitat, bien entendu, entre Homo sapiens et Néandertal. Et il est incontestable qu'on voit peu à peu la zone géographique de Néandertal se restreindre, se réduire même comme une peau de chagrin et basculer vers le sud-ouest de l'Europe à mesure même qu'Homo sapiens avance, lui, venant de l'Est. On a parlé aussi, et moi c'est une thèse qui m'intéresse beaucoup, que je trouve très intéressante, c'est la thèse du métissage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on a des traces génétiques de présence néandertalienne dans notre génome actuel, semble bien qu'il y ait eu liaison entre, qu'il y ait eu un métissage entre les espèces, et il est probable qu'étant donné le très grand dynamisme démographique de l'homme moderne, d'Homo sapiens, et les difficultés en revanche sur ce plan démographique de Néandertal, il est possible que l'un se soit dissous dans l'autre d'une certaine manière. On va voir ce qu'en pense mon invité dans un instant. La thèse la plus communément admise, et celle qu'on retient toujours, c'est celle de l'évolution démographique. C'est l'hypothèse privilégiée par une majorité de scientifiques aujourd'hui. Si je puis dire, c'est celle qui ne mange pas de pain. Face à l'arrivée des nouveaux migrants, nous dit Marilène Patoumatis, ils n'ont pas réagi assez vite, ces Néandertals, en modifiant notamment leur équipement. Et à l'exception de quelques groupes dispersés, il était trop tard. La chute démographique, à ce moment-là, était déjà engagée. Ce qui est certain, et ça doit nous rendre cet homme de Néandertal nettement plus proche, nettement plus sympathique en quelque sorte, c'est qu'il y a des liens entre lui et nous. Bonjour Marilène Patoumatis, vous ai vu acquiescer avec une certaine bienveillance à l'ensemble de ce que j'ai dit. Il y a quelques petites rectifications à faire, nous allons y venir tout de suite. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Armand Amar sur Europe 1, la bande originale du film A.O., le dernier Néandertal sorti en 2010. Et nous sommes avec Franck Ferrand et avec votre invitée aussi, Marilène Patoumatis, docteur en préhistoire, directrice de recherche au CNRS, vice-présidente du conseil scientifique du Muséum National d'Histoire Naturelle. J'ai parlé tout à l'heure, Marilène Patoumatis, j'ai parlé de lame, j'ai parlé de scie à propos des instruments, des outils utilisés par Néandertal. Vous me dites, ça existe les lames, mais vraiment à très petite dose en vérité. Oui, voilà, parce que comme vous l'avez très justement dit, il fait la technique surtout de percussion, il enlève les éclats levallois. Et il a fait, à certaines périodes, il a fait un peu de laminaire, comme on appelle, c'est-à-dire qu'il a fait plutôt des lames. Mais ça, c'est vraiment assez exceptionnel. Lui, c'était vraiment l'artisan du levallois. Et puis les scies, non, on n'a pas vraiment de scie. Parce que pour nous, la scie veut dire vraiment quelque chose de très précis. Oui. Mais là, ils n'avaient pas vraiment de scie. Ils avaient des couteaux en silex qui pouvaient servir de scie, entre guillemets, mais pas de scie proprement dit. C'est-à-dire que pour utiliser les ossements des grands animaux, notamment, ça doit poser des problèmes. Et pour le bois aussi, tout simplement. Hein. Oui, donc c'est-à-dire qu'il avait quand même une panoplie assez élargie, avec des éclats plus ou moins grands, des racloirs différents, avec même des lames, vous savez, en fin de compte, des lames, voyez, moi aussi je fais le lapsus, des grands morceaux d'éclats, là aussi c'est très efficace. Et donc je pense qu'il y avait aussi des percuteurs pour casser les os avant de manger la moelle. Donc il y avait quand même un outillage. Alors vous avez écrit avec Pascal Leroy un livre tout à fait charmant, très agréable à lire. Je l'ai lu, j'ai envie de dire in extenso et avec bonheur. Ça s'appelle donc Madame de Néandertal, journal intime. C'est d'ailleurs, en soi, c'est assez drôle parce qu'à plusieurs reprises, même assez souvent, c'est presque le leitmotiv du livre. Le personnage qui raconte dit « Je me suis mise un peu à l'écart pour écrire ». Voilà, oui, oui. On imagine bien Néandertal écrire. Bon, c'est plein d'humour, évidemment, mais en même temps, c'est très pédagogique et ça nous permet de comprendre, même sans s'en rendre compte, quel était l'environnement et la vie quotidienne de Néandertal. Si vous êtes d'accord, nous allons réserver ça pour la fin de l'émission. On va revenir sur tous ces aspects de la vie quotidienne, à quoi ça ressemblait la vie il y a 100, 150, 200 000 ans. C'est complètement extraordinaire. Bon, avant cela, si vous êtes d'accord, revenons sur cette espèce d'énigme qui, en somme, n'en est pas vraiment une, sur ce mystère de la disparition de Néandertal. Je pense l'avoir suffisamment dit et répété depuis le début de cette émission. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, d'abord. Hein. Oui, 10 000 ans, c'est long. Bien sûr, tout à fait. 10 000 ans, voire plus. C'est vrai que, bon, ça enlève un peu du mystère, c'est on résout en fait ce problème. Non, plus sérieusement, c'est la notion même du terme disparition. Que veut dire une disparition ? Si on parle de la disparition d'un homme en tant que biologie, c'est-à-dire biologiquement, voilà, il n'y a plus l'espèce néandertalienne, eh ben c'est pas tout à fait juste non plus, puisque nous avons entre les Eurasiatiques entre 1 et 4% de gènes néandertaliens. Donc voilà, déjà là, question, est-ce que vraiment il a disparu génétiquement ? Et ensuite, sinon, c'est en termes de civilisation, si j'ose dire néandertalienne, osons le mot, hein, de civilisation. Oui, bien sûr. Mais il a vécu 300 000 ans, comme vous disiez. Ce serait donc la plus longue de toutes les civilisations. Ça serait quand même la plus longue. Et donc, on connaît bien au cours de notre histoire, et vous connaissez très bien l'histoire, vous voyez un petit peu de toutes ces civilisations qui ont disparu. Donc c'est pour ça que quelque part, c'est vrai que c'est une disparition qui est intéressante en soi, mais je crois qu'il ne faut pas non plus se fixer essentiellement sur ça en disant oh là, elle a disparu, c'est ça qui fait son intérêt. Non, ce qui fait son intérêt, c'est qu'il est à la fois proche et éloigné de nous et, voilà. Et qu'il a vécu comme ça très longtemps, qu'il y a eu vraiment un phénomène de résilience aussi hein, pour avoir traversé toutes ces périodes. C'est un autre type d'homme en quelque c'est, sorte. Exactement, c'est une autre humanité. Et oui, voilà, ça c'est passionnant. Alors, on va tout de suite tordre le cou à toutes ces histoires de génocide, un génocide qui durerait 10 000 ans, c'est invraisemblable. Ces histoires climatiques et tout auxquelles quasiment plus personne ne croit aujourd'hui. Les deux grandes thèmes mais qui sont d'ailleurs, qui ne sont pas forcément exclusives, c'est la thèse de la progressive marginalisation géographique, en quelque sorte, et puis celle de la dilution génétique. Les deux peuvent coexister, hein, d'ailleurs. Oui, alors je pense, si vous voulez, qu'il faut se replacer. Donc là, les Néandertaliens, ils occupent toute l'Europe. Pendant 300 000 ans. D'un seul coup, arrivent les hommes modernes, anatomiquement modernes, justement. Oui. Ils arrivent, et bien entendu que déjà, eux... D'où viennent-ils, en deux mots ? Ils viennent du Proche-Orient, mm-hmm. Là, ils sont passés probablement par l'Anatolie. Ils viennent au départ de l'Afrique, ils ont fait le tour du bassin. Le Proche-Orient, et oui, voilà, ils arrivent principalement dans les Balkans, c'est par là qu'ils arrivent. Et donc, ce qui se passe, il faut déjà voir que les Néandertaliens, depuis peut-être 50 000 ans déjà, au niveau de la démographie, c'est faible. C'est-à-dire qu'ils sont très dispersés sur un énorme territoire. Ce sont des petits groupes de 30 à 50 personnes qui entretiennent des liens bien sûr importants parce qu'il faut bien se reproduire et ils sont quand même très dispersés. Et si vous voulez, l'impact de cette arrivée de ces hommes va être importante pour justement déclencher une accélération dans la baisse démographique parce qu'ils vont être encore plus mobiles puisqu'ils vont pas aller à l'affrontement, donc ils vont changer de territoire, ils vont faire ce qu'on appelle l'évitement. Et comme ils vont se déplacer, ils vont être encore plus mobiles et c'est très mauvais pour un groupe. Hein. La mobilité, c'est les pierres qui roulent n'amassent pas mousse. Voilà, exactement. Et donc ça a dû provoquer vraiment une baisse qui a entraîné une chute fatale parce que quand on est deux, donc, faut faire un problème démographique évident déjà, hein, de reproduction. Exactement. Il y a quand même les génétiques et plusieurs études d'anthropologues qui ont montré qu'il y avait quand même probablement vers 50 000 ans déjà quelque chose qui était enclenché au niveau de la démographie. Et il est clair que l'arrivée des hommes modernes, en fin de compte, a accélérer ce processus. C'est pas parce qu'il y a eu, comme vous le disiez, un combat entre eux, etc. Ça n'a pas de sens du tout. C'est vraiment ça, le lien, si je peux dire, entre la disparition de Néandertal, si on garde ce terme, et l'arrivée des sapiens, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils vont accélérer un processus déjà engagé. D'ailleurs, on possède, je crois, environ 200 squelettes de Néandertal, et sur les 200, il n'y en a que deux qui présentent des traces de blessures évidentes, et encore, visiblement, les blessures ont eu le temps de se ressouder, ce qui veut dire qu'en fait, ils ne sont même pas morts de ces fameuses blessures. Non, il n'y a pas de preuve. Et puis, tout à l'heure, vous parliez, par exemple, du virus. C'était une théorie intéressante. Et peut-être qu'elle a fonctionné dans certains endroits. Mais elle peut pas avoir provoqué cette fameuse extinction. Donc voilà, je crois que c'est peut-être polycausal, mais qu'en réalité c'était vraiment lié à mon avis à ce grand problème de démographie qui peut rejoindre la dilution génétique, parce que là aussi ils se sont donc mélangés avant. Au Proche-Orient, pas en Europe. Avant que les hommes modernes viennent en Europe, c'est pas à ce moment-là, d'après la génétique, qu'ils se sont mélangés, c'est avant, vers 70-80 000, au Proche-Orient, à la sortie du Proche-Orient. Et donc, c'est là qu'ils se seraient mélangés. Et en fin de compte, comme vous l'avez dit très justement, leur démographie faible, ils vont se reproduire, les métis, qu'avec des sapiens. Et donc, ils vont être complètement ce qu'on appelle dilués. Donc, c'est ça qui est aussi quand même passionnant, parce qu'au niveau aussi de la dispersion, là, on parle toujours de le côté de Gibraltar et de l'extrémité de l'Espagne. Mais en fin de compte, non. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Europe orientale et je travaille encore en Ukraine. Et malheureusement, en Crimée, ça va devenir difficile. Oui. Mais là, on a les derniers néandertaliens. Donc, ils étaient aussi en Crimée. Ils étaient aussi en Croatie, à Vindhia. Donc, en fin de compte, on s'aperçoit que maintenant, c'est pas du tout seulement à certains endroits. Oui, c'est pas ça. Le cul-de-sac, comme on a dit, de l'Espagne. Du Pays Basque, parce ou de l'Espagne. Parce qu'on retrouve, je vous dis, en Crimée, enfin en Ukraine, on retrouve donc en Croatie, qui est quand même pas du tout un cul-de-sac. Donc je crois que ils se sont un peu dispersés et un peu trop dispersés. Oui, et d'ailleurs au départ, ils avaient une aire géographique gigantesque. Oui, l'Atlantique à l'Oural, tout à fait. Donc tout ça peut expliquer, comme vous dites, une cause pluricausale. Oui, voilà, en fait, hein. Mais avec explication pluricausale. Voilà, avec ce phénomène majeur qui est ce problème démographique. Oui. Parce que ça va très vite. Hein. Et puis alors, c'est vrai qu'en face, Homo sapiens, lui, est en horde, si je puis dire, beaucoup plus nombreuse, il est plus dynamique à tout point de vue. C'est-à-dire que il faut bien imaginer quand même que lui aussi va mettre 10 000 ans. Hein, parce qu'ils arrivent par petits groupes. C'est pas les hordes d'Attila qui déferlent sur l'Europe. Ce sont de petits groupes et qui, quand ils arrivent, ils font en fin de compte exactement la même chose que les Néandertaliens. Au départ, ils font du moustérien comme les Néandertaliens. Ils font les mêmes racloirs. Ils chassent du gibier. Et donc vraiment, ils ont un mode de vie comparable. Et c'est en fin de compte arrivé en Europe. Probablement, parce que vous savez, comme encore maintenant, pour qu'il y ait des innovations, il faut un petit peu des pressions extérieures, soit sociétales, soit environnementales. Et là, évidemment, ils arrivent dans un monde inconnu pour eux et vont innover à ce moment-là. Mais qu'est-ce que l'on sait de la confrontation des deux? Est-ce qu'on a des éléments archéologiques qui nous permettraient d'avoir une idée de la façon dont ils ont pu cohabiter, ces deux types d'hommes? C'est-à-dire que c'est très différent selon les régions de l'Europe. Et c'est ça qui a tendance à montrer qu'il y a peut-être l'Europe occidentale, ils sont arrivés plus tard, et il y a certains Néandertaliens d'Europe occidentale, de France par exemple, qui n'ont jamais vu un sapiens. Par contre, quand on voit qu'on travaille sur l'Europe orientale ou centrale, on s'aperçoit que là, il y a eu possibilité de coexistence, mais très rapprochée, et d'échange. Et moi, je dis qu'il faut faire attention parce qu'il y a toujours des a priori. Quand on dit échange, on voit toujours que c'est le pauvre Néandertalien qui regarde le sapiens en disant oh, c'est joli, t'as ton lock ou ton outil. Non, parce que en fin de compte, les là, sapiens. Là, vous montrez le contraire, vous, dans le roman. Mais oui, parce que les sapiens qui arrivent, ils ne connaissent pas le terrain. Les Néandertaliens connaissent le terrain. Ils ont chassé sur ces territoires, ils connaissent la moindre pierre, si j'ose dire. Ils connaissent les animaux. Les sapiens qui arrivent, ils chassaient le daim et la gazelle. Ils arrivent en Europe, qu'est-ce qu'ils voient? Des bisons. Des bisons, des mammouths. Des mammouths, des chevaux, des grands chevaux et tout. Donc c'est quand même différent. Alors peut-être qu'il faudrait changer cette vision et penser que s'il y a eu échange, l'échange c'est en fin de compte bilatéral. C'est pas d'un seul côté. Et les Néandertaliens ont peut-être pu apprendre. Et au niveau des matières premières, l'éthique, c'est-à-dire des outils et des pierres utilisées, on s'aperçoit qu'il y a eu probablement des échanges, justement en Europe centrale, qui ont été faits entre des groupes néandertaliens et des groupes de sapiens. Mais on a des sites sites où là on a des choses intéressantes en Crimée. On a même, on voit l'alternance dans certains sites d'occupation néandertalienne et d'occupation de sapiens et d'occupation néandertalienne. Donc on a vraiment une occupation successive des mêmes territoires. Ce roman, vous le situeriez où ? Alors dans le temps, environ 30 000 ans avant notre ère ? Oui, bien sûr, puisque là, ce qui était amusant, c'est d'imaginer la rencontre entre cette néandertalienne et ses amis, si j'ose dire. Qu'elle appelle les Zig. Les Zig. Donc avec les Zig, c'est avec les hommes modernes, donc ça se situe vers 30 000 ans, 32 000 ans. Et géographiquement, bah, plutôt dans le, justement dans les Balkans, voilà, où on a plus de, disons, de preuves archéologiques qu'il y a eu rencontre. Alors grâce à ces personnages, nous allons justement entrer dans le quotidien de Néandertal, dans un instant, en votre compagnie, Marilène Patou-Matisse. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Il y a 3 millions d'années que je dormais dans la tourbe, quand un méchant coup de pioche me trancha net le col et me fit effectuer une gracieuse courbe, à la fin de laquelle je plongeais dans le formol. D'abord on a voulu me consolider la face, on se mit à me brosser mâchoire et temporale, suivi d'un shampoing au bichromate de potasse, puis on noua une faveur autour de mon pariétal. Du jour au lendemain, je devins une vedette, journaux, télévision, y en avait que pour moi. Tant et si bien du reste que les autres squelettes, se jugeant délaissés, me battaient un peu froid. Enfin les scientifiques, suivant coutume Zeus, voulant me baptiser de par un nom latin, m'ont appelé Pité, Anthropus Erectus. Erectus, ça me va bien, moi qui étais chaud la fin. Et ces messieurs savants, à bottines et pince-nez, sur le vu d'un pitos ou d'une frémolaire, comptèrent que je possédais de sacrées facultés qui me différenciaient des autres mammifères. Ils ont dit que j'étais... C'était Serge Reggiani sur Europe 1, l'homme fossile. Et nous sommes toujours avec vous, Franck Ferrand, et votre invitée, Marilène Patou-Matisse, docteur en préhistoire, directrice de recherche au CNRS, vice-présidente du conseil scientifique du Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors le moment est venu d'entrer dans le quotidien de cet homme de Néandertal. Un mot seulement, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais pour ceux qui nous auraient rejoints en route, à quoi ressemble-t-il à peu près Néandertal ? C'est un petit trapu. C'est des gros poulets, hein, si voilà, je peux dire. Voilà, c'est un petit trapu, donc très très très très musclé. C'est vraiment une force de la nature qui a une tête, c'est, pour simplifier, je dis toujours aux étudiants, c'est un ballon de rugby. Nous, on est un peu ballon de foot, vous voyez, on est tout rond. Et là, c'est allongé vers l'arrière, et donc c'est un ballon de rugby avec ses arcades très développées. Et il n'y a pas ce petit creux là au-dessus du nez, donc elles sont vraiment comme une visière. Voilà, il n'a pas de menton, mais ça, c'est pas non plus... Il y a beaucoup de menton non plus, d'humain actuel, dont c'est le voilà, cas. Voilà, donc en fin de compte, il n'y a pas... c'est vrai qu'il y a des différences. Bon, y a, au niveau, si on rentre dans le détail, il y a vraiment des différences, bien sûr, anatomiques. Mais à la limite, c'est vrai que ce qui est le plus marquant, quand même, c'est la différence au niveau de la forme du crâne et ses orbites, quand même, extrêmement prononcées. Il vit essentiellement dans des grottes. En tout cas, vous nous le présentez dans les grottes, mais il peut avoir des camps de temps en temps. Hein, il vit en plein air. C'est-à-dire que là, il fait des huttes, comme des huttes, vous oui. dites. Et alors, attention, je voudrais bien préciser que dans les grottes, c'est toujours à l'entrée. Hein, grottes avec... On ne va pas vivre au fond des grottes, pas évidemment. Pas du tout ça. C'est vraiment des cas exceptionnels. Ou bien après, quand pour aller faire des peintures, mais ça sera les Cro-Magnons. Oui. Voilà, ça sera les hommes modernes. Mais sinon, ils vivent à l'entrée et ça leur fait une protection. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils n'ont qu'un devant, si j'ose dire, qu'il n'y a qu'une façade à protéger. Le feu est essentiel. Le feu est essentiel. On a vraiment des preuves qu'il y a une organisation spatiale de l'habitat, de leur habitat. Ça, c'est clair. On a des zones de couchage, des zones où ils taillent le silex. La zone des rêves et de la jouissance. Voilà. Et des réjouissances, voilà. Et donc, on a vraiment une organisation. Il y avait sûrement des tentures en peau pour séparer certains espaces. Donc on a quand même des témoignages archéologiques qui permettent de dire ça. Parce que c'était ça aussi mon objectif, c'était de faire revivre ces hommes de Néandertal. Ils vivent en petit groupe, vous disiez tout à l'heure une cinquantaine d'individus à voilà, peu près. Voilà, à peu près ce qu'on retrouve chez les peuples chasseurs-cueilleurs en règle générale, qui sont entre 30 et 50 individus. Et alors, bizarrement, ce sont les femmes qui passent d'un groupe à l'autre. Hein, oui, c'est ça. Ça c'était intéressant parce que il y a très peu de temps, nous avons là aussi, grâce à l'ADN ancien, maintenant on a beaucoup de chance avec l'ADN ancien, parce qu'on a plein de questions qui sont un peu... Oui, on a des éléments de réponse grâce à l'ADN ancien. Et par exemple, ça a été montré que c'est les hommes qui restaient au campement et les femmes qui changeaient de campement. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pour ça que j'ai voulu aussi faire Madame de Néandertal, parce que on parle toujours des hommes, mais il faut parler des femmes. Et donc, elles sont locutrices des langues C'est elles qui vont transmettre la culture, puisqu'elle, c'est elles qui bougent. Pour cause, puisque voilà. Exactement. Donc c'était quand même quelque chose d'intéressant et de voir qu'il y avait un appui comme ça génétique qui nous le montrait, c'était intéressant. Comment est-ce qu'on peut avoir des renseignements aussi précis ? Est-ce qu'il y a des éléments que vous avez été obligé d'imaginer dans ce roman ou est-ce que l'on sait à peu près tout grâce à l'archéologie ? Ben maintenant, vous savez, grâce à l'archéologie, parce qu'il y a beaucoup de fouilles, grâce aussi aux préhistoriens avec toutes leurs analyses et aux nouvelles technologies qui nous permettent d'aller très très loin, de faire des études biogéochimiques, donc des choses très très fines, des micro-traces, etc., de faire l'ADN ancien. Donc on a quand même des éléments de réponse. Disons que là où il y a l'invention, où il y a le roman, où il y a l'imaginaire, c'est évidemment tout ce qui ressort du non-fossilisable. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, la pensée, oui, voilà. Voilà, au niveau vraiment la pensée, savoir ce qu'il se disait. Bon, mais on s'est dit, après tout, qu'on fasse parler la grande avec le Zig, ce qu'il disait, ben, est-ce qu'on sait ce que se disait tel homme, personnage historique, ouais, c'est la même chose, alors là, objectivement. Avec sa compagne ou autre. Donc je pense que c'était quelque chose qui était important de pouvoir tout dire dans la limite du possible. Voilà. Ce qui était pour moi important, c'est qu'il fallait que ça soit dans les hypothèses. Voilà, on peut pas, c'est par l'invention, on raconte pas n'importe quoi. Il y a une base donc scientifique qui repose sur l'archéologie. Et du moment que c'est plausible, c'est possible, pourquoi pas. C'est pourquoi une hypothèse pas, parmi d'autres. Voilà. Puis après, on rentre dans, bien sûr, on les voit. Bon, il y a toute une part très amusante, d'ailleurs, de, je disais, d'anachronisme volontaire et de miroir de notre époque, bien sûr. Mais néanmoins, vous nous montrez un Néandertal très évolué, à des années-lumière de l'image qu'on pouvait en donner à la fin du 19e siècle, où on présentait une sorte de brute totale, dépourvue de psychologie, précisément. Oui, parce que c'est en fin de compte, là aussi, on s'est aperçu que grâce aux fouilles et aux analyses archéologiques, que c'était un très grand artisan, etc. Il enterre ses morts, hein, il a des rites funéraires. Il y a plein de choses très modernes. Et donc, c'est pour ça que, pourquoi, là aussi, avoir une vision dans ses relations, je veux dire, dans ses, qu'il soit archaïque, pourquoi lui refuser ce qu'on donne à Cro-Magnon? Parce que quand on parle de Cro-Magnon, on va pas hésiter à montrer une société très complexe et tout, des relations carrément très religieuses. Et on ne sait pas plus, je veux dire, il n'y a pas plus de témoignages. Donc, si vous voulez, c'était un peu pour dire, c'est possible, donc allons-y. Pourquoi pas? Pourquoi rester? On n'est plus au 19e siècle, voilà. Alors, des rites, évidemment, funéraires. Alors là, il y en a un que vous décrivez qui est, on va dire, la partie, je ne vais pas dévoiler pour nos auditeurs, mais qui est la partie forte du livre, avec des rites quand même qui peuvent aller jusqu'à une forme de cannibalisme. Bien sûr, l'endocannibalisme. Mmh. Et l'endocannibalisme, c'est-à-dire qu'on va manger un des siens. Et c'est un rite funéraire qui est tout le temps existé, et encore pas si longtemps, et c'est vraiment un rite funéraire, c'est-à-dire que c'est en respect par rapport donc aux défunts, et c'est très complexe, et je crois que ça c'est intéressant, puisqu'on a des traces de cannibalisme, ça on a des faits archéologiques, donc de mettre en scène donc dans ce livre ce rite, je crois que ça c'était important. Et ce qui est très amusant dans ce livre, c'est de renverser, comme vous le disiez, la perspective, c'est-à-dire qu'on a toujours, en quelque sorte, le bon sapiens contre le méchant Néandertal. Et là, on est au milieu des Néandertals. C'est une Néandertalienne qui parle et qui nous raconte à quel point Homo sapiens peut être mauvais, dangereux ou fascinant aussi, oui, bien entendu. Toujours, hein, c'est toujours l'attrait du danger. L'attrait du danger. Non, mais ce qui était important aussi, et avec Pascal, on était tout à fait d'accord, c'est-à-dire que je lui expliquais qu'en fin de compte, à chaque fois qu'on parlait des préhistoriques, on parlait des hommes. On dit, voilà, le tailleur du silex, mais pourquoi c'est pas une tailleuse? Le peintre à Lascaux, mais pourquoi c'est pas une peintre? Donc là aussi, il y a une espèce de reproduction de l'image très 19e siècle où, en fin de compte, les femmes, ben, elles sont là pour balayer la grotte, quoi. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter parce qu'il n'y a vraiment pas de preuves archéologiques. Il y a un macho du 19e, d'ailleurs, parmi vos personnages. Voilà, exactement. Il y en a encore, hein. Même en préhistoire. Et non, et donc c'était là aussi, c'était intéressant. C'est-à-dire, parce que moi, j'ai eu la chance de vivre chez un peuple chasseur-cueilleur, hein. J'ai vécu avec les Bushmen dans le Kalahari pendant 3 mois. Et je peux vous dire que l'importance dans ce type de société chasseur-cueilleur de la femme est grand. C'est-à-dire que c'est une part importante de l'économie avec la cueillette. Et c'est pas cette vision où, en fin de compte, la femme est réduite à faire, bon, à part ce qui est quand même très important, la maternité, mais le reste, très peu d'activités, disons, dans la société, de rôle dans la société. Donc c'était un peu pour prendre aussi ce contre-pied, et c'est tout à fait possible en plus que les Néandertaliennes participent à la chasse, ce qui n'était pas là aussi tellement envisagé. avec finalement une différence qui n'est plus si sensible que ça avec Cro-Magnon, enfin avec l'homme moderne. Finalement. Vous nous montrez des hommes qui restent des hommes, alors morphologiquement différents, mais psychologiquement assez proches, somme toute. Ça, c'est assez étonnant. Oui, moi, je pense, si vous voulez, qu'à un moment donné, c'est différent, c'est une autre humanité, mais elle n'est ni inférieure ni supérieure. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de bien faire cette différence. Voilà. Il faut aller marquer, peut-être, mais elle ne veut pas dire qu'il y a une différence, là aussi, d'intelligence. Vous aurez compris que je vous recommande ce roman de Pascal Leroy et Marilène Patou-Matisse, Madame de Néandertal, journal intime, c'est chez Nil Éditions. Et puis pour ceux qui voudraient creuser la question, si je puis dire, et entrer dans le sérieux de cette affaire, Néandertal, une autre humanité de Marilène Patou-Matisse, c'est réédité dans la collection Tempus, en livre de poche. Et puis pour la préparation de cette émission, nous nous sommes aussi appuyés sur l'ouvrage de Jacques Jaubert et Bruno Moreil, Néandertal, dans la collection Les petits vocabulaires de la préhistoire chez Confluence. Merci beaucoup Marilène Patou-Matisse. Merci à vous. Merci. Restez avec nous. Franck Ferrand répondra à la question de notre auditeur Franck via la page Facebook de l'émission. Quelle est l'origine de l'expression « ça tombe comme à Gravelotte » C'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et Franck Ferrand, vous répondez à notre auditeur Franck qui se demande quelle est l'origine de l'expression « ça tombe comme à Gravelotte ». Ça tombe comme à Gravelotte, voilà bien une expression historique. Hein. Il y a une origine à tout ça. C'est la célèbre bataille de Gravelotte, qu'on appelle aussi la bataille de Saint-Privat, qui s'est déroulée au moment de la grande guerre franco-prussienne de 1870, exactement le 18 août 1870. Deux jours avant, l'armée prussienne avait occupé la route principale qui relie Metz à Verdun, parce que le maréchal Bazaine souhaitait rejoindre Verdun à la tête de l'armée du Rhin pour se rallier à l'armée du maréchal Mac Mahon. Et la bataille de Mars-la-Tour a d'abord eu lieu. L'armée du Rhin, à ce moment-là, est définitivement coupée du reste de l'armée française. Elle va se replier sur une position défensive à quelques kilomètres au sud-ouest de Metz. Et donc, deux jours plus tard, le 18 août, les armées vont s'affronter à nouveau au moment de cette bataille de Saint-Privat. Les Prussiens occupent le village de Gravelotte, nous y voilà, et tout le côté ouest également du ravin de la Manse. Et les Français, de leur côté, se positionnent sur le côté est de ce ravin. La bataille va commencer donc à 8 heures lorsque le chef d'état-major prussien von Moltke ordonne l'avancée de ses troupes en direction des positions françaises. Et dans un premier temps, elle a l'air de tourner à l'avantage des Français, cette bataille, puisqu'ils possèdent de meilleurs fusils, les fameux chasse-pots, vous savez. Et les Prussiens vont rencontrer une vive résistance. Mais tout ça, c'était sans compter avec l'artillerie prussienne qui est beaucoup mieux équipée grâce aux fameux canons Krupp. Les positions françaises vont être anéanties et c'est la nuit qui va mettre fin au carnage. On relèvera 5300 morts, 14500 blessés prussiens et 1200 morts, 4420 disparus, 6700 blessés français. L'armée française choisit d'abandonner le terrain et vous avez bien compris que pendant cette bataille, les obus sont tombés avec une intensité extraordinaire, une telle intensité que c'est devenu maintenant une expression et qu'on dit « tomber comme à Gravelotte ». Il pleuvait de l'acier ce jour-là.